Thank you. There you go. Il est majeur ou il est mineur, non, c'est un truc en do, donc c'est un mineur, bien sûr. J'étais en do mineur depuis le début, excuse-moi. C'est douzième. Stay. Where are you from? T'es du coin? Allez, JM. Jean-Michel. Dis-moi que t'es mon copain, je te connais. T'es dans Walala, Jean-Michel. Jean-Michel Briand, c'est vous? Je vous ai reconnu. C'est vous? Ah, tu restes. Catalan, mi amigo, Juan Manuel, la verdad, no te puedo ni decir nada en catalán, lo siento mucho. ¿Cuál es la tonalidad? Ah, me encanta. (Tose)